si Macron veut pas, du coup, il se passe quoi? On sera toujours là. Pas. On sera toujours là. On lâchera pas. On lâche pas. Pour nous, nous sommes retraités. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants qu'on est là. Ça fait 14 mois, on va continuer. Continuer jusqu'au bout. Et moi qui ai un sacré syndicalisme, je ne lâcherai pas. Vous voyez, quand il parle de 1000 euros, alors qu'on sait que le seuil de pauvreté pour une personne est de 1025 euros. Vous vous rendez compte? Donc rien que ça, c'est pas possible. Et on sait bien que les salaires au-dessus de 10 000 euros, ils auront moins de retenue. Mais forcément, si c'est des multimilliardaires au-dessus, c'est pour aider monsieur BlackRock, à qui on a remis la Légion d'honneur. Donc c'est ça, c'est un tout. Alors quand on vient se focaliser sur l'histoire de l'âge bio, c'est une connerie. Aujourd'hui, il y a déjà un âge, c'est 62 ans. Bon, par contre, si j'ai pas l'âge et que j'ai pas mes 43 unités, je peux finir à 63 ans. Donc on l'a déjà, l'âge pivot. Donc ça, c'est un faux problème, l'âge pivot. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Et du coup, c'est quoi votre revendication? Nous, les revendications, moi, je suis à la CGT. On a déjà fait des propositions, monsieur Martinez, hier, on a fait des propositions. Comme on l'a fait déjà depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire remonter le SMIC, automatiquement les salaires, égalité homme-femme dans les salaires. Là, ça ferait plusieurs millions qu'on pourrait récupérer. Et puis voilà, puis là, et puis quand ils disent qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. C'est faux, il y a de l'argent. Regardez les avocats qui étaient avec nous encore jeudi, ils ont leur propre truc. Il faut arrêter quoi. On va leur piquer ce qu'ils ont mis de côté pour le répartir à tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est quoi votre prénom? Marie-Christine Enfer. Merci. De rien. Bonne manif.